Monsieur Yvan Chartrain Charbiourou. C'est le nom de votre. Vous avez le nom devant. Donc Yvan Magrin Chagnelot. C'est pas facile. Alors je vais vous parler de. Je vais vous présenter un projet de recherche que je viens de démarrer avec des collègues autour de ce qu'on a appelé la microphénoménologie de la création artistique. Donc je vais vous expliquer ce que j'entends par ça et vous décrire le projet. J'ajoute que c'est un projet qui est encore un peu dans sa phase d'élaboration. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de confronter ce projet à vos réactions et à vos idées. Donc n'hésitez pas à intervenir, y compris pendant la présentation. Alors c'est un projet donc, que je fais avec deux collègues, donc une amie qui est artiste et art-thérapeute et un ami qui est doctorant à l'ENS. Donc ma présentation comportera trois parties. Je vous parlerai d'abord du contexte du projet, ensuite du projet lui-même, que pour l'instant on a baptisé projet Sipapou, et puis des différentes étapes du projet. Donc je commence par le contexte. Alors pour vous donner un petit peu de background sur mon parcours et ce qui m'a amené en fait à ce projet-là, je vais vous parler très brièvement des différentes étapes par lesquelles je suis passé. J'ai commencé à faire de la recherche dans le domaine scientifique avant de bifurquer plutôt vers les sciences humaines. Et cela parce que j'avais en parallèle de mon travail de chercheur une activité artistique qui s'est développée, qui a pris de plus en plus d'importance. Et que donc, à un moment, s'est posé la question de comment faire pour mener en parallèle un travail d'artiste et un travail de chercheur. Et donc, la meilleure façon que j'ai trouvée pour arriver à le faire, c'est de faire de la recherche en art, de façon à ce que les deux choses soient en réalité une seule et même chose. Donc, du coup... Oui, voilà, comme ça, c'est mieux. Donc du coup, au niveau artistique, je suis polyvalent, tout comme en recherche, je pense que ça fait partie de ma nature, et donc je touche à différentes formes artistiques selon les projets. Et donc en recherche, pour combiner les deux, la première étape, ça a été de faire de la recherche en art, et puis de travailler sur le créneau de ce qu'on appelle la création-recherche, dont je suis un fervent défenseur, et qui est un projet qui nécessite beaucoup de confrontation avec l'institution, puisqu'il y a une grosse recherche en ce moment sur comment évaluer justement le travail de création-recherche dans l'institution. Alors, mes domaines généraux de recherche sont plutôt autour de la philosophie de l'art et de l'esthétique, avec notamment une spécialisation sur le jeu de l'acteur et la méthode de l'acteur studio, un travail de recherche autour de la mise en scène, de la musique et de la photo. Mais je dirais les trois axes qui m'intéressent le plus au niveau de ma recherche, c'est le lien entre art et science, bon, de par mon passé de chercheur en sciences sur les nouvelles technologies, le rapport entre art et psychisme, et puis le lien entre art et spiritualité. Et puis la phénoménologie de la création, donc qui est le projet sur lequel je vais parler aujourd'hui, qui est vraiment pour moi une façon de rentrer au cœur du processus créatif, à la fois en tant qu'artiste et à la fois en tant que chercheur. Alors ça m'amène à poser un petit peu le contexte scientifique de ce projet-là, qui s'inscrit dans le domaine de la phénoménologie. Alors, je suis... un philosophe par la force des choses, puisque c'est le domaine de recherche dans lequel je travaille maintenant, mais pas de formation initiale. Donc j'aborde la phénoménologie pas comme un philosophe le ferait, avec à renfort de textes théoriques de Searle, Heidegger, Merleau-Ponty, etc. Mais je le fais plutôt de l'expérience et d'un aspect pratique de la phénoménologie. Donc j'aborde la phénoménologie... plus comme un concept pratique qui va m'aider, moi, à raconter des choses par rapport à ce que c'est que le processus créatif, Et donc, pour simplifier un petit peu le concept, je dirais que donc, la phénoménologie, je la vois comme l'expérience vécue, c'est-à-dire l'expérience vécue telle qu'elle est vécue par le sujet qui vit cette expérience. Alors, je vais parler aujourd'hui plutôt de microphénoménologie. Alors, la microphénoménologie, c'est la même chose, sauf que ce à quoi on s'intéresse, c'est ce que j'appelle un micro-moment, c'est-à-dire que on va prendre par exemple une expérience comme le processus créatif, c'est un processus qui s'étale dans un temps très long, c'est pas un processus qu'il est facile d'englober dans sa globalité, mais on va en revanche essayer de s'intéresser à des micro-moments dans ce processus, donc à préciser ces micro-moments, et sur ces micro-moments, on va essayer d'obtenir une description très fine. Donc pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle l'entretien d'explicitation, qui est un outil qui a été développé par Pierre Vermersch, qui est psychologue de formation, et c'est un entretien qui a été développé essentiellement à la base par rapport à des visées pédagogiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on forme quelqu'un à une certaine séquence d'action, et que cette personne commence à s'approprier cet apprentissage, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent une différence entre ce que la personne faisait vraiment et ce qu'elle croyait faire. Ce qui rendait du coup complexe le feedback, parce que la personne était certaine d'avoir fait une certaine chose, alors qu'en fait elle en faisait une autre. Et donc ces entretiens ont été développés pour avoir accès à l'expérience vécue telle qu'elle est inscrite dans la mémoire de la personne. Ça repose sur le postulat qui a été confirmé par de nombreuses expériences, que tout ce que l'on vit est enregistré quelque part dans notre cerveau, qu'on y ait accès ou non, qu'on arrive à y avoir accès ou non. Et donc cet entretien d'explicitation permet de remettre la personne en évocation, on appelle ça évocation, c'est-à-dire qu'on lui fait revivre l'expérience qu'elle a vécue, de façon à pouvoir identifier les différentes séquences d'action dans cette tâche. Alors, Pierre Vermersch a croisé le chemin de gens qui travaillaient plutôt au niveau de la phénoménologie, notamment Varela, Michel Bigbol, Nathalie Despraz et Claire Petit-Mangin. Et du coup, il s'est rendu compte que sa technique d'entretien, en fait, était très pertinente pour les gens qui s'intéressaient à la phénoménologie pratique, parce que justement, elle permettait de décrire de façon très précise une séquence d'action. Et donc, il a développé une théorie sur les couches du vécu, et donc il a défini le vécu d'une expérience, comme étant constitué de plusieurs couches. Il y a la couche émotionnelle, mais qui, dans ce cas-là, ne nous intéresse pas, en tout cas, on ne va pas y creuser, ça c'est plutôt ce qui se passe dans le cadre d'une thérapie. Mais il y a le niveau du corporel, il y a le niveau des actions cognitives, etc. etc. Donc, c'est cet aspect-là, disons, de la microphénoménologie qui, moi, m'intéresse. Et puis l'explicitation peut être aussi dérivée dans une forme qui s'appelle l'auto-explicitation, où là, l'interviewé est la même personne que l'intervieweur, ce qui permet en fait d'avoir accès à sa propre expérience vécue, et en l'occurrence, dans ce cas-là, avoir accès à son propre processus créatif. Il va de soi que dans le cadre d'une auto-explicitation, il y a des techniques particulières qui permettent de décentrer, de se décentrer pour pouvoir jouer sans devenir schizophrène à la fois le rôle de l'intervieweur et le rôle de l'interviewé. Donc ce sont des techniques très particulières. Donc je n'entrerai pas dans le détail. Donc j'en arrive au projet lui-même, donc le projet de recherche, donc le projet SIPAPU. Alors, pour la petite histoire, Sipapu, c'est un terme qui vient des Indiens Hopi, donc qui vivent essentiellement au Canada, enfin dans le nord de l'Amérique du Nord. Et c'est un mot qui désigne un tunnel, un passage entre des dimensions. Donc voilà, on avait envie d'un titre qui à la fois puisse retraduire un certain aspect de ce que c'est que le processus créatif, tout en ayant un petit peu une connotation poétique. Donc on est arrivé avec ce terme-là. Alors, les objectifs du projet, c'est donc d'étudier la création artistique comme expérience vécue. Donc, d'essayer de, plutôt que de partir de modèles qui ont cherché à décrire ce que c'était qu'un processus créatif de l'extérieur, on va essayer plutôt de retrouver, à partir de l'expérience vécue elle-même, quelles peuvent être les différentes étapes du processus créatif, avec l'idée de commencer à en donner une sorte de typologie. Donc l'approche, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'appliquer l'entretien d'explicitation au processus créatif. Alors, j'en arrive maintenant vraiment au cœur du projet, à la description des différentes étapes. La difficulté première qu'on rencontre, comme je l'ai expliqué déjà tout à l'heure, c'est que le processus créatif, c'est un processus qui s'étale dans le temps. Ça peut être un processus très long. Et donc, c'est compliqué avec l'entretien d'explicitation de regarder quelque chose qui s'étale dans le temps, parce que si par exemple on interviewe plusieurs artistes qui viennent de terminer des créations artistiques, si ces créations ont duré sur 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on va faire cet entretien d'explicitation, on va vraisemblablement tomber à chaque fois sur des moments différents, et donc on aura du mal à tirer la moindre conclusion en dépouillant ces entretiens. Donc on a réfléchi à cette question et on s'est dit il y a besoin de circonscrire en fait des moments précis pour pouvoir mener des entretiens d'explicitation. Alors, on est arrivé finalement à un projet en 3 étapes. Une première étape consistera à rassembler 5 à 6 artistes, enfin ça c'est pas encore tout à fait finalisé, sur plusieurs séances de travail qui s'étaleront sur une année, des séances d'environ 2 heures. Et donc plutôt que de travailler sur un processus créatif qui s'étale dans le temps, on va leur donner une tâche, il va y avoir un scénario, et pendant 2 heures, ces artistes vont s'approprier cette tâche et en faire quelque chose. Ça peut être par exemple, on vous propose des matières, on met sur la table plusieurs matières, et à partir de ces matières, vous pouvez créer quelque chose. Ou ça peut être par exemple, on va essayer de... on parlait ce matin d'art collaboratif, ça peut être ça, ça peut être, voilà, on est 5 artistes travaillant sur des médias différents, on a 2 heures, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Donc essayez de circonscrire une tâche pour que les artistes qui sont présents vivent, alors à peu près la même expérience, bien sûr la façon dont ils vont la vivre subjectivement sera extrêmement différente d'une personne à l'autre, mais il y aura quelque chose de commun, de partageable, qui fait que nous, on aura aussi une idée de ce qui s'est passé du point de vue extérieur, avec une chance dans l'entretien de pouvoir finalement à peu près pointer les mêmes choses. Et dans ce protocole-là, les entretiens d'explicitation seront faits dans la foulée, c'est-à-dire après cette séance de 2 heures, on fera tout de suite les entretiens d'explicitation pour avoir accès tout de suite au vécu de ce qui vient de se passer pour les artistes. Alors, ça c'est satisfaisant comme façon d'aborder le problème, parce que quelque part on le simplifie pour pouvoir l'appréhender, mais en même temps on n'est pas exactement dans les conditions normales de création, enfin normales. En tout cas, on est un peu éloigné de ce que traverse réellement un artiste, et donc du coup, on s'est dit que ça serait bien d'avoir une deuxième étape, où là pour le coup on va élargir, on va se rapprocher de la réalité, mais on va essayer de garder quand même cet aspect de micro-phénomène, puisque c'est la seule chose auquel on peut avoir accès par l'entretien d'explicitation. Du coup, la deuxième étape du projet, ça sera d'utiliser de nouveau 5 à 6 artistes, avec l'idée que d'en avoir certains qui auront participé à la première étape du projet, mais d'autres qui n'auront pas participé à la première étape du projet, d'avoir une contrainte, mais la contrainte là sera beaucoup plus large. Ça peut être par exemple un thème commun, ça peut être on est encore un petit peu en train de réfléchir à la contrainte, mais l'idée c'est que on va en fait proposer aux artistes de créer une œuvre dans le but de faire une exposition collective à la fin du projet. Donc de mettre vraiment l'artiste dans des conditions d'une œuvre, on va dire, de commande, enfin en tout cas, voilà, avec une date butoir pour proposer cette œuvre-là. Et là, l'idée, c'est qu'au cours de cette phase, on va faire 2 choses. On va faire des entretiens à intervalles réguliers, donc en prenant le parti que, en faisant des entretiens à intervalles réguliers, on arrivera à certains moments, après un moment un peu particulier pour l'artiste, et que du coup on arrivera à expliciter. Mais on rajoute à ça des entretiens qui seront promptés par les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de préparer les artistes en début de projet en leur disant, ben voilà, quand vous aurez l'impression d'avoir traversé une phase du processus créatif qui vous paraît intéressante, pertinente, peut-être inhabituelle, ou en tout cas, voilà, qui pour vous génère quelque chose de l'ordre de l'intérêt, vous nous le dites, et à ce moment-là, on viendra faire un entretien avec vous. Et là, pour le coup, l'idée, c'est que l'entretien porte sur ce moment précis que l'artiste aura préalablement identifié. Voilà. Et la troisième partie du projet, ça sera, parce que quand on est artiste, on aime bien aussi montrer son travail, le transmettre, donc ça sera de proposer une exposition. Mais cette fois-ci, l'intérêt, l'idée, c'est de proposer à la fois les œuvres et le matériel qui aura été recueilli autour des œuvres et de leur fabrication. Alors, on est encore un peu en réflexion sur cette phase-là, mais on s'est dit que ce qui pourrait être intéressant, c'est que chaque artiste choisisse son emplacement. Alors, est-ce que c'est un emplacement dans un même lieu ou est-ce que c'est des lieux différents? Bon, ça, on n'a pas encore tout à fait finalisé le choix. Mais que chaque artiste choisit aussi la façon dont il incorpore le matériel d'explicitation à son œuvre. C'est-à-dire que, par exemple, un artiste peut choisir de mettre des morceaux de texte autour de son œuvre, des bouts d'entretien ou autre. Un autre artiste, parce que ses entretiens seront filmés, peut choisir de mettre des images. Un artiste peut choisir de mettre peu de matériel autour, un autre va choisir d'en mettre beaucoup. Tout ça, on le laisse libre et ça fera partie des choix de disons, muséographiques de la proposition. Et puis on rajoute donc une étape à ça, donc ça, c'est donc une troisième étape d'entretien d'explicitation, qui va travailler la question de la réception des œuvres et donc de l'expérience esthétique. À partir de spectateurs volontaires à qui on fera passer des entretiens d'explicitation une fois qu'ils auront visité l'exposition. Voilà, donc tout ça, c'est un peu pour vous présenter le projet dans sa mouture actuelle, sachant qu'il démarre maintenant, donc on va avancer progressivement dans ce projet. Alors, pour conclure sur mon intervention, je voudrais juste vous recadrer un petit peu les différentes phases du projet dans leur déroulé temporel. Donc l'idée, c'est de faire la première étape du projet sur la première année, donc là sur cette année universitaire qui démarre, donc 2017-2018. La partie élargir de l'affaire l'année suivante, ce qui nous laisse 2 années pour trouver des lieux d'exposition, avec l'idée aussi que cette exposition, si on arrive à la faire, par exemple, moi j'aimerais bien que ce soit une exposition qui, par exemple, s'empare d'un quartier de ville, et puis que dans ce quartier-là, chaque artiste choisisse en fait l'endroit où il va avoir envie d'exposer. Donc l'idéal étant d'avoir des partenariats pour avoir à la fois des lieux qui sont fermés et peut-être des lieux dehors. Mais l'idée, c'est que cette exposition puisse voyager. C'est-à-dire que ce concept-là, après, on pourra, si par exemple on le fait à Paris, on pourra le faire à Bruxelles, on pourra le faire à Rome, on pourra le faire n'importe où. Et puis, donc la fin de deuxième année, ça sera l'exposition en tant que telle. Et puis après, il y aura quand même tout un travail de dépouillement des entretiens d'explicitation, parce qu'en fait, c'est pas tout de faire les entretiens d'explicitation, mais après, il faut encore les mettre le nez dedans, les transcrire, essayer de repérer les moments saillants, de voir comment les différents artistes en parlent, essayer de trouver s'il y a des points communs, est-ce qu'il y a des différences. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc on se donne la troisième année du projet pour vraiment dépouiller ce matériel et on l'espère pouvoir proposer une typologie de l'acte créatif, du processus créatif, mais une typologie qui repose sur la façon dont les artistes sont conscients d'avoir traversé ce processus. Alors, au niveau des actions à faire donc, pour la réalisation de ce projet, donc, rédiger la présentation du projet, donc, ça c'est relativement finalisé, ça évoluera vraisemblablement encore un petit peu dans les semaines à venir. Trouver les artistes, on a aussi à peu près finalisé. Bon, voilà, on a peut-être encore une ou deux. On attend encore peut-être une ou deux personnes. L'idée, c'est de choisir un petit nombre d'artistes, parce que bon, voilà, passer les entretiens, ça prend 2 heures à chaque fois, donc ça prend du temps. Et puis après, tout ça, faut le dépouiller. Mais on aimerait des artistes qui représentent des médias différents, c'est-à-dire qui ont vraiment des approches différentes, a priori en tout cas, de ce que c'est qu'un processus créatif, justement pour voir ce que le médium apporte à la façon dont on vit le processus créatif en tant qu'expérience vécue. Après, c'est un projet qu'on peut faire sans financement, mais c'est toujours plus facile quand même quand on a des financements. Donc il y aura une étape où on va faire des recherches de financement. Comme c'est un projet de création-recherche, on peut faire des recherches de financement à la fois sur le volet recherche et à la fois sur le volet artistique. Il y aura donc la tâche de trouver les lieux d'exposition et puis trouver du renfort pour les entretiens d'explicitation, c'est-à-dire que l'entretien d'explicitation, en fait, il est piloté par un organisme qui s'appelle le GREX et qui forme des gens à cette technique-là. Donc moi-même j'ai été formé à cet entretien et donc j'ai un petit réseau de gens qui maîtrisent bien l'entretien et donc trouver quelques personnes qui seront en mesure de faire passer les entretiens, surtout pour la première phase du projet, parce qu'il y aura 5 ou 6 entretiens à faire passer en même temps. Si on les passe à la suite, il faut 12 heures plus 2 heures de projet, enfin bon voilà, c'est pas gérable, donc il faudra au moins 4 ou 5 personnes habilitées à faire passer les entretiens. Voilà, pour conclure, je vous rappelle donc un petit peu les 3 points dont j'ai parlé au cours de ma présentation. Donc le contexte du projet qui s'inscrit vraiment dans le cadre de la microphénoménologie avec une technique qui s'appelle l'entretien d'explicitation et l'entretien d'auto-explicitation. Le projet donc CIPAPOU qui repose sur de l'explicitation du processus créatif, donc explicitation de la création artistique. Et les étapes du projet, qui représentent à la fois une phase où on circonscrit un petit peu la tâche pour pouvoir l'appréhender, puis où on l'élargit pour pouvoir être le plus proche possible des conditions normales de création artistique, et dans une troisième phase, la transmission à la fois des œuvres et des résultats de recherche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis mon email et puis je vous ai mis aussi le site d'une revue que j'ai créée, que je dirige, où vous trouverez déjà quelques textes un petit peu sur la création-recherche, un petit peu sur la phénoménologie, et sur lequel le numéro qui est en cours d'élaboration portera précisément sur le processus créatif. Voilà, je vous remercie. Ça vous embête pas, comme il me reste 5 minutes, je préfère utiliser mes 5 minutes maintenant, pas forcément pour des questions, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des retours par rapport à la proposition que j'ai faite. S'il y a des points qui ne vous paraissent pas clairs, ou des points qui vous paraissent poser problème, ou des suggestions sur le protocole expérimental, j'aimerais bien entendre ça tout de suite, pendant 4-5 minutes, puis après je laisse la parole. Et on peut revenir sur des questions plus... Jean ? Oui, alors ça, on pratique beaucoup ce genre de technique dans un contexte un petit peu différent. Et il y a quelque chose qui est dans la microphénoménologie, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, le côté où on prend un mouvement extrêmement réduit en temps. Mais on peut tout à fait élargir ce type de phénoménologie à des moments plus larges. À Marseille, on a testé ça dans un contexte clinique, puisque... On a fait ça chez les psychiatres. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est une explicitation du style psychiatre. Et au lieu d'aller chercher un moment précis, on va chercher, je dirais, une configuration de moment, ou une enveloppe générale des moments. Et c'est très, très intéressant parce que du coup, ça sort un peu de la technique cardinale de l'entraînement d'explicitation, mais après tout, une technique, c'était pour être transformée, modifiée, dépassée. Et l'avantage, c'est qu'on a accès à quelque chose de différent. Et on pourrait se demander, alors là vous trouverez ça sur le site de l'APEX à Marseille, et on peut se, dans la thèse de Marie-Laure Stephen, et on peut se demander en fait si dans le côté du de l'artiste, on ne pourrait pas poser la question de, au fond, comment est votre style ? Au lieu de penser à un moment précis, finalement, vous êtes quoi, vous ? Quelle est votre expérience en tant que vous-même, artiste, devant être présent dans ce domaine de l'art ? Oui, c'est intéressant, surtout que là, en fait, on a deux objectifs qui ne sont pas explicités pour le coup, qui sont d'une part trouver une typologie du processus créatif, mais aussi comment chacun se l'approprie à partir de sa subjectivité, de son médium, etc. Donc effectivement, c'est des choses qu'on a effectivement envie de mettre en lumière. Donc merci beaucoup pour cette suggestion. Il y avait d'autres retours ? Tu avais levé la main ? Oui, je me demande comment... Ça me paraît, pour moi c'est mystérieux, souvent on voit les choses qu'on connaît déjà dans un pattern, les choses inattendues, hors de toute expérience, on ne les reconnaît pas d'emblée, la plupart du temps ils nous passent inaperçus. Je ne sais pas comment vous allez reconnaître des choses que vous connaissez déjà, auquel cas ça n'a pas forcément un intérêt formidable, ou apercevoir des choses que vous ne connaissez pas encore. Alors en fait, y a un peu deux éléments de réponse par rapport à ça. Le premier élément de réponse, c'est que les entretiens sont filmés, donc ça donne quand même la possibilité de dépasser un premier biais interprétatif, en tout cas à partir de l'entretien lui-même. Après, la technique d'entretien d'explicitation, elle est faite de sorte que, quand il est bien mené, l'intervieweur injecte extrêmement peu de sa subjectivité, de par la façon dont les questionnements sont conçus, de par les formulations des questionnements. Donc du coup, l'idée, c'est justement d'être à l'écoute de l'intervieweur et de le laisser lui-même faire sens là où il a envie de faire du sens. Alors, on ne s'affranchit pas du biais de l'intervieweur, de l'interviewé, pardon, on s'affranchit en partie du biais de l'interviewé, mais en partie seulement, bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que je ne voudrais pas que Ruth et moi soient les deux seuls à faire passer des entretiens, parce qu'on est tous les deux artistes. Ce qui serait intéressant, c'est que ce soit aussi des gens qui ne sont pas artistes qui fassent passer les entretiens, pour gommer complètement ce biais de comment nous, on a conscience de notre propre processus créatif, parce que effectivement la tendance pourrait être d'essayer de retrouver ça chez les autres. Voilà. Mais la technique de l'entretien elle-même évacue une grande partie de cette subjectivité. Donc, elle permet... Ça a été, en fait, l'entretien existe depuis longtemps maintenant, donc il a été utilisé dans de nombreux domaines, et il a permis dans de nombreux domaines de faire émerger des choses justement auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, oui, c'est un point sur lequel être effectivement très vigilant. Merci. Merci, mais justement, je voudrais ajouter aussi, parce que moi, j'ai pratiqué cette méthode et j'ai enseigné à mes étudiants. Et sur ce point-là, justement, quand les deux artistes qui font l'entretien, l'explication, finalement, ils partagent encore des expériences encore plus profondes. Par rapport s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ou qui n'est pas dans ce métier-là, qui ne connaît pas ce que c'est déjà le processus créatif, moi je pense que ça change aussi. Et aussi, moi je pense tout autour de la qualité de l'évocation. Alors, oui, merci beaucoup. Ça me permet de rajouter un petit mot sur ça. C'est que, effectivement, il y a un enjeu dans l'entretien d'explicitation qui est que, paradoxalement, on mène généralement un meilleur entretien quand on a déjà une idée de la tâche, c'est-à-dire quand on a fait une analyse de la tâche préalable. Mais effectivement, du coup, qui dit analyse préalable de la tâche dit qu'on est obligé de faire des hypothèses. Alors, ou c'est une tâche qu'on connaît bien, mais que du coup, comme on la connaît bien, on va l'analyser de la façon dont on la connaît, ou... Alors, mais ceci étant dit, il y a plein de cas où justement on peut faire, faire sans l'analyse de la tâche en se disant justement, on va voir ce qui sort. Et là, c'est un petit peu l'idée aussi de la première étape du projet, c'est justement d'avoir le moins d'a priori possible sur la tâche pour voir ce qui sort. Après, pour rebondir sur la remarque, c'est vrai aussi que souvent quand on connaît bien le processus sur lequel on travaille, on peut arriver à une finesse d'interrogation qui peut aller plus loin. Ce qui ne veut pas dire qu'on sait, mais en tout cas, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que, je disais là, pendant le déjeuner, l'entretien d'explicitation, ce qui est fascinant, moi, la première fois que j'ai été interviewé, parce que quand on fait la formation, on est d'abord interviewé avant d'être intervieweur, j'ai été fasciné par le fait que c'est un entretien qui me permettait de prendre conscience de choses extrêmement fines de l'ordre du cognitif. C'est-à-dire que dans l'entretien, j'avais été capable, parce que j'étais bien guidé, d'analyser très finement les opérations cognitives qui avaient été mises en jeu dans la tâche sur laquelle on m'interrogeait. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu une sorte de révélation pour moi, parce que je ne pensais pas, je pensais que tout ça, ça faisait partie de ce qu'on appelle le pré-réfléchi et qu'on n'y avait pas accès. En fait, on a accès à une partie du pré-réfléchi, c'est-à-dire à une partie de ce qui n'est pas conscientisé. On y a accès parce que c'est enregistré en nous et que c'est une partie à laquelle on a accès. Il y aura toujours une partie à laquelle on n'aura pas accès, bien sûr, mais en tout cas, il y a toute une partie du pré-réfléchi à laquelle on a accès. Et cette partie-là, il est souvent plus facile d'y avoir accès quand on est soi-même un peu expert de l'objet d'étude, effectivement. Mais du coup, il faut trouver le bon équilibre. C'est bien parce que ce sont deux commentaires qui sont chacun à un bout du spectre. Il faut trouver un bon équilibre entre une certaine expertise de ce sur quoi on interroge et en même temps une capacité à laisser émerger quelque chose d'inattendu, pour reprendre le mot de ce matin. C'est effectivement vous pointer l'enjeu de ce genre de projet. On verra comment on gère ce paradoxe. Merci. C'est maintenant, c'est Carole Hoffman. Oui, il va présenter. Alors, normalement, il y a du son utilisé. Oui. Ah, mais peut-être qu'il faut régler la lampe. J'ai pas testé, ben oui, justement. Pourtant, ça marchait ce matin, le son ? Oui, oui. Bon, ben c'est bon, oui. C'est juste. Okay. Alors, je vais commencer, moi, par une phrase qui a servi de catalyseur à cette intervention. C'est une phrase, je regarde l'heure. Alors, c'est une phrase de Antonio Damasio, donc, qui est professeur de neurologie et neurosciences et psychologie, donc dans un ouvrage intitulé « L'autre moi-même, les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions ». Il a écrit dans cet ouvrage « Le corps et le cerveau sont continuellement engagés dans une danse interactive ». Alors ce qui nous intéresse dans cette citation, c'est l'idée que le corps et le cerveau sont en interconnexion permanente, d'une part, et dynamique d'autre part, puisque la danse, c'est important de le rappeler, hein, avant d'être éventuellement de la narration, c'est avant tout du mouvement. Et du mouvement qui peut être donné à voir dans ses moindres inflexions et qui va modifier le corps. Alors la question que nous nous posons aujourd'hui au regard de cette phrase, c'est dans quelle mesure l'émotion relève de la cognition et participe à la fois à la transformation du corps. Alors, je m'intéresserai ici plus particulièrement aux œuvres interactives, parce que bon, c'est aussi ce sur quoi je travaille, mais aussi parce qu'elles nous amènent, d'un point de vue phénoménologique et sous l'angle des sciences de la cognition, à une prise de conscience renouvelée de notre corps par l'action. Les technologies ont cette faculté, justement, de révéler que le corps n'est pas un donné définitif et fermé au monde, mais le corps est envisagé comme une construction inachevée qui est constamment en train de se faire et qui relève du processus. Alors nous nous appuierons sur des écrits d'Antonio Damasio, donc des neurosciences, hein, avec cette particularité, et c'est ce qui m'intéresse aussi chez lui, c'est qu'il a été influencé par la phénoménologie. Sur les écrits aussi du théoricien de l'art du 19e, Konrad Fiedler, donc même si effectivement je précise 19e parce que ses idées sont vraiment tout à fait d'actualité, donc c'est d'autant plus important parce que je trouve que c'est très novateur. Et aussi, rapidement, je m'appuierai sur le neurobiologiste et philosophe Francisco Varela sur la question notamment de l'émergence. Alors, je partirai notamment d'une pièce interactive que j'ai réalisée il y a 5 ans et qui s'intitule « Dermatographie ». Et avec un jeu d'écriture en entourant par des parenthèses le T et le O pour avoir le double jeu de mots dermatographie et dermographie. Alors dans cette production, j'ai utilisé, donc ça c'est le dispositif hein, que vous avez à l'écran, je vous montrerai un peu plus précisément dans une partie animée. Donc en fait dans cette production, j'ai utilisé des photographies personnelles de peau de visage que j'ai hybridées avec des images de peau humaine qui ont été altérées par la maladie, essentiellement les allergies dites atopiques. Alors le dispositif comprend un couloir étroit à l'extrémité duquel est installé un écran. Dès que le spectateur s'introduit dans l'espace de l'œuvre, il met en action l'installation donc, qui est bardée de capteurs tactiles au sol, donc il y a un tapis avec des capteurs tactiles, et des capteurs à distance donc, qui sont situés sous l'écran. Alors plus on approche de l'image de peau donc, qui est présente à l'écran, dans ce couloir donc, qui guide inévitablement notre direction, et plus celle-ci va s'altérer. Donc la vitesse d'altération étant conditionnée par notre attitude dans l'espace et notamment par le temps que nous mettons à le parcourir, donc aussi en fonction de la vitesse. Le nombre de personnes en présence est aussi un facteur important. Et lorsque nous approchons trop près, donc ça donne ça, lorsque nous approchons trop près, nous basculons dans la constitution même de l'image informatique, dans sa réalité intrinsèque, dans son intimité, le pixel, qui va contaminer la totalité de l'écran. Alors je vais vous montrer quelques images. Bon, là elles sont fixes, hein, mais normalement ce sont des images qui pulsent. Bon, ça donne un peu, bon il y en a plein, elles apparaissent de façon aléatoire, donc c'est juste, j'en ai mis trois et cette fois-ci juste pour les montrer. Et je vais vous montrer une petite image animée qui explique en fait comment tout ça fonctionne. Hein. Voilà, donc avant de continuer. A priori, ça ne fonctionne pas. L'idée. Ça a marché sur le temps. Quelque chose parce que oui. Le son est important donc. les images que vous avez vues ensuite. Les images que vous avez vues en succession à la fin, en fait, ce sont les images qui apparaissent de façon interactive et surtout aléatoire. En fait, quand on rentre dans l'espace de l'installation, ce ne sont jamais les mêmes images qui apparaissent. Et bon, il y a une banque d'images de peau assez importante derrière. Donc, en fait, cette pièce fonctionne de façon métaphorique, comme fonctionne la relation de notre corps à notre cerveau. Nous savons aujourd'hui que les émotions qui surgissent du corps vont le transformer. Des expériences scientifiques ont montré, par exemple, que le stress pouvait avoir un impact important et relativement grave sur le corps, au point d'engendrer une baisse du système immunitaire, et comment, par contre, la confiance, quant à elle, pouvait atténuer, voire annihiler la douleur sous les effets de certaines hormones sécrétées par le corps, comme la morphine ou l'endorphine. Nous savons aussi, pour partie d'entre nous, qu'une forte émotion peut aussi stimuler le nerf vague et entraîner un malaise vagal. Lorsque le nerf vague, qui parcourt l'estomac et arrive jusqu'au cerveau en passant par le cœur, est soudainement trop stimulé, la fréquence cardiaque ralentit, la tension artérielle chute, provoquant une mauvaise oxygénation du cerveau et des organes vitaux, ce qui entraîne des nausées, des vertiges, des sueurs, une pâleur, une perte de tonus et dans certains cas l'évanouissement. Ces transformations de notre corps et de notre comportement lors de réactions émotionnelles ont une incidence chez les espèces évoluées sur les encartages cérébraux du corps, c'est-à-dire sur les structures qui composent le corps proprement dit, en plus ou moins grand détail, et dont la plasticité répond à celle de l'activité du corps. Les émotions nous indiquent ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Elles sont la partie émergée des fluctuations incessantes de notre vie intérieure. Elles peuvent se manifester dans des expressions du visage, dans la voix, par des comportements particuliers, mais elles s'activent au plus profond de notre corps, participant des mécanismes qui permettent de réguler la vie et de favoriser la survie, ce qui relève du processus homéostasique qui gouverne à tout instant chaque cellule de notre corps, qu'elle relève de la chimie du corps, des chimies du corps, hein, des viscères, du système musculaire ou osseux, qui peuvent être commotionnés, voire bouleversés. Dans dermatographie, donc dans la pièce que je viens de vous montrer, ces transformations du corps s'imprègnent dans la texture même de la peau, qui est un espace de marquage de vie, une peau mémoire, un matériau vivant, qui se renouvelle continuellement tout en se détériorant. Et par des inscriptions qui n'ont trouvé dans la peau que le seul lieu de parole, elle réagit violemment dès lors qu'elle est trop fortement et continuellement sollicitée dans ses mécanismes de défense. C'est la peau qui marque, qui, écrit Maurice Fréchury, qui porte en soi les traces de l'épreuve et donne à voir, telle une réplique fidèle, les blessures et les plaies qu'elle a transposées directement de l'objet sur elle-même. Et d'ailleurs, la dermographie, pour jouer justement avec le mot, c'est une réaction de la peau, une tuméfaction que peuvent vivre certaines personnes lorsqu'on les griffe. La peau, c'est aussi la barrière qui protège de la pénétration par les avidités et les agressions en provenance des autres. Dans dermographie, l'image interactive réagit de façon métaphorique, comme nous pourrions réagir en fonction de la relation, mais aussi de la distance que nous entretenons avec l'autre, si on se réfère à la dimension proxémique telle que l'a développée l'anthropologue Edward T. Hall, qui s'est intéressé à la perception culturelle de l'espace. La peau, c'est enfin le lieu de révélation des silences et des non-dits, ceux auxquels nous sommes confrontés lorsque nos interlocuteurs curieux et embarrassés compatissent face aux ravages faits à notre cuirasse, mais aussi ceux qui accompagnent les dégradations imperceptibles et insidieuses qui sont faites à l'environnement et qui agissent sur la santé et la qualité de vie des êtres vivants. Alors, du point de vue du spectateur, alors, le spectateur, quant à lui, immergé dans le couloir obscurci, entre en résonance avec l'œuvre qui devient un champ d'expérience qui lui permet de s'y incorporer pour mieux se métamorphoser. Les attitudes les plus diversifiées sont souvent exploratoires, les déplacements, les gestes et les postures se réajustant constamment en fonction donc de la réaction des images qui apparaissent de façon aléatoire, tentant d'une part de la contrôler et d'autre part de percer le mystère du dispositif qui permet d'explorer le corps et ses perceptions. Les images en action sont reproduites par notre cerveau, par le cerveau du spectateur, par empathie. Elles agissent d'autant plus fortement sur le corps du spectateur qu'elles sont indéterminées et non localisables. C'est-à-dire que les couleurs, les plis, les textures et les marquages de vie ne représentent rien de localisable sur le corps humain, dans le corps humain. Ils ne sont plus que de la peau et du corps. Alors, confrontés à ces images, les spectateurs nous ont dit, donc après l'expérimentation, ces spectateurs nous ont dit avoir traversé les émotions les plus diversifiées. La surprise face à cette œuvre inattendue qui réagit à ses déplacements. La désorientation face à la difficulté à appréhender son fonctionnement. La perturbation face à une image contaminée qui nous renvoie à notre propre condition. Le dégoût, les tuméfactions cutanées, l'anxiété attisée par la respiration oppressante. Et le soulagement et le bonheur d'échapper à ce milieu morbide et par là même au ravage de la maladie. Donc, dermatographie est susceptible de déclencher des émotions, consciemment ou inconsciemment, et plus ou moins fortement. Les objets, et ici plus précisément le dispositif et les images, étant plus ou moins chargés émotionnellement en fonction de l'expérience individuelle de chacun, et par association en fonction de la mémoire, qui peut atténuer ou amplifier l'état émotionnel, puisque le fonctionnement par association entraîne une relation de va-et-vient constant entre pensée et émotion. Selon Varela, l'émotion permet de répondre de façon réactive, mais pas de façon créative. C'est la combinaison, selon lui, avec la mémoire, l'imagination et le raisonnement qui permet la création et l'innovation. Alors, l'émotion peut naître de l'objet, hein, comme stimulus, qui nous percute et nous déstabilise ponctuellement. Mais cette émotion, elle peut être aussi un instrument de connaissance. Le déséquilibre nous amenant cette fois-ci à penser et à repenser le monde. Chez les êtres humains, nous l'avons vu, le programme émotionnel déclenche aussi certains changements cognitifs qui accompagnent ceux du corps, a écrit Damasio. C'est-à-dire que le changement d'état du corps est accompagné d'un changement d'un certain état d'esprit. Les modifications neuronales ouvrent alors sur des processus émergents, le monde émergent avec ses actions et ses émotions. Il est énacté au sens où l'entend Varela. Pour les sciences cognitives, et plus singulièrement pour Varela, la connaissance ne s'établit pas sur la base d'un monde qui serait prédéterminé, préexistant à toute perception que le cerveau saisirait. Le monde ne précéderait pas l'image, mais c'est l'expérience qui permet d'accéder à la connaissance. Celle-ci se consolide et s'affine à chaque nouvelle expérience par des boucles de récurrence, toute perception entraînant une action et toute action entraînant une perception dans une boucle perception-action. En fait, l'être connaissant se construit à travers la connaissance qu'il acquiert du système dans lequel il agit et sur lequel il agit. Varela est aussi écrit « Le cerveau existe dans un corps, le corps existe dans le monde et l'organisme agit, bouge, chasse, se reproduit, rêve, imagine. » Et c'est de cette activité permanente qu'émerge le sens de son monde et les choses. C'est ce qu'il nomme la cognition incarnée, qui n'envisage le corps qu'inséré dans un monde sensible particulier. Selon Evelyne Grossman, donc elle est professeure de littérature française et contemporaine à l'université Diderot, donc Paris-Diderot. Selon elle, l'émotion est un outil d'analyse, un instrument de connaissance. Donc elle a récemment rédigé un ouvrage qui a pour objectif justement de réhabiliter les émotions et qui s'intitule « Éloge de l'hypersensible » qui vient de sortir cette année, en 2017. Donc selon elle, l'hypersensibilité assumée devient une arme chez ces écrivains, artistes, créateurs, un outil d'exploration critique du monde. Elle s'appuie sur Deleuze, Roland Barthes, Marguerite Duras et Louise Bourgeois pour signifier que l'artiste serait un être hypersensible, capable de se laisser affecter de s'ouvrir, apprendre à capter ses forces, la réactivité émotionnelle se rend, révélant être une force alors qui donne une plus grande capacité d'agir dans la perspective de créer. Pour le philosophe de l'art Konrad Fiedler, l'œuvre d'art n'a pas d'idée, elle est en elle-même une idée. L'art, pour lui, est connaissance et non pas émotion et sentiment. Elle est une activité de l'esprit qui fait émerger des concepts et qui donne à voir les réalités du monde. L'artiste donne à voir la virtualité du réel, son potentiel de possible, qu'il actualise à travers l'émergence de réalité. La dimension cognitive relève de l'art, selon Fiedler, ce qui n'empêche pas, selon lui, qu'elle peut parvenir à la raison par d'autres biais, les sensations qu'elle éveille ou les émotions, à qui il écrit. La valeur artistique, il écrit, la valeur artistique essentielle de la forme consiste dans la connaissance qu'elle transmet et exprime. Pourquoi chercher une tâche pour l'art qui soit à l'opposé de la tâche sérieuse de la connaissance? Il suffit de considérer d'un œil non prévenu ce que l'artiste fait vraiment, et l'on comprend ceci. Il saisit un côté du monde que ses moyens propres lui réservent à lui seul, et il parvient à une conscience de la réalité à laquelle la pensée n'aura jamais accès. L'artiste, en fait, donne à voir ce en quoi il enrichit le monde, par sa représentation, sous un jour nouveau, articulé à sa conception du monde singulière, et ce en quoi elle est à même de résonner en chacun d'entre nous, de l'individuel à l'universel. Et je terminerai sur cette phrase, qui est une phrase donc, de Fiedler, où il dit, je cite, « Ce que l'œuvre d'art offre à la connaissance, c'est son contenu universel, établi pour tous les hommes et pour toutes les époques. » L'imagination artificielle. Alors, si on arrive à avoir l'image. Après cette petite panne d'affichage, on va. Bah, là, c'est un peu douze. On va faire ça sauvagement. Je vais essayer de vous parler d'imagination artificielle. Donc moi, je suis artiste, c'est mon activité principale, c'est-à-dire que très concrètement, économiquement, c'est mon activité principale et j'ai une activité à côté de chercheur, en ce moment à Normale Supérieure Paris, et puis j'ai passé 10 ans à Montréal, à l'UQAM, au sein de l'École des arts visuels et médiatiques, où j'étais professeur invité, enseignant et ainsi de suite. Et donc actuellement, je travaille sur cette question d'imagination artificielle. Alors comme il y a normalement 20 minutes de parole, je vais lire un peu mon texte, parce que pour être très synthétique.

Exact. Bah oui, bien sûr. Il joue avec. Il tourne autour. Et alors, voilà comment j'aimerais conclure. Donc j'ai appelé cette vidéo Vorstellung, la représentation. Alors donc, il s'agit d'un chat qui va jouer avec cette sculpture. Deux chats. Il sait, entre guillemets, et il ne sait pas, entre guillemets, que c'est un chat. C'est-à-dire son semblable. Et que ce n'est pas un chat, son autre. C'est pourquoi il joue d'ailleurs avec. Le savoir de ce chat, son incertitude, est l'expérience même d'une représentation, d'une ressemblance qui n'est, par définition, pas identique. La ressemblance, c'est pas l'identité. C'est-à-dire, finalement, une œuvre d'art qui, vous connaissez cette citation canonique de Benjamin sur Laura, qui pourrait lever, Laura, c'est quelque chose qui pourrait lever les yeux sur nous, qui ne le fait pas, mais qui pourrait, qui a cette possibilité. Bien sûr, c'est nous qui imaginons encore ce chat, et c'est ce chat qui nous permet de mieux comprendre notre propre expérience artistique. Le chat, comme la technique, est notre miroir impair, notre miroir noir, qui nous donne accès à ce que nous ne sommes pas. Tout ça pour dire que le chat a une expérience de l'art. Je vous remercie. Merci. Si vous avez des questions... Peut-être pour, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions, on peut ouvrir la discussion entre nous. Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des remarques? J'ai une question sur le chaton qui fait l'expérience de l'art. De quelle expérience s'agit-il? Alors, je vais vous répondre. En fin de compte, et c'est justement la différence, je crois que je dessine entre nous, hein, parce qu'il y a bien sûr une différence de fond. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de définir cette expérience. C'est de faire que cette expérience du chat, qui est incertaine, je ne sais pas, je lui attribue, trouble aussi l'auto-attribution que je fais de quand moi j'ai une expérience esthétique. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que pour moi il y a un présupposé de la phénoménologie, parce que je pense qu'il y avait, là c'est intéressant, c'est petite table, enfin, cette discussion, parce qu'il y avait le pôle phénoménologique, et moi je suis plutôt très clairement du côté du matérialisme spéculatif. Donc vraiment une autre approche. Et effectivement, je suis toujours, disons, dans l'alternative en art entre la clarté à soi, l'auto-perception, le fait d'avoir, par exemple, des processus d'interview pour essayer de clarifier ces processus. Donc l'identité à soi, finalement, la recherche de l'identité à soi. Et de l'autre côté, le discours de l'ineffable en l'art, de l'imperceptible, de l'impossible à percevoir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des hypothèses, entre autres fondées sur Sellars et puis sur d'autres auteurs, qui permettent de dépasser cette opposition ou cette dialectique, et qui permettent entre autres d'apercevoir que, l'impossibilité pour certains artistes, pas pour tous, mais de parler, de dire, n'est pas une impossibilité négative. C'est pas une négation d'un discours qui serait clair. C'est quelque chose de tout à fait constructif, et c'est quelque chose qui est utile, qui sert, etc. Et sur la recherche-création, moi, ayant passé 10 ans au Canada, c'est vrai qu'au Canada, on est très avancé, je crois, sur ces questions-là, parce que ça fait toujours, en tout cas, ça fait assez longtemps que ces choses-là sont en cours. C'est vrai qu'il y a, en recherche-création, il y a des méthodes qui sont des méthodes d'explicitation et de clarification de soi, sur lesquelles je pense que c'est adapté à certains artistes, mais pas à tous. Moi, je pense qu'il y a des artistes qui refuseraient de se prêter à ce jeu-là. Et pas par dénégation, mais pas par résistance à la clarté, mais parce que simplement, c'est pas dans leur pratique. Et puis, en recherche création, il y a aussi des choses, d'ailleurs, c'est pas du tout contradictoire, tout à fait exploratoire, où, d'ailleurs, d'un point de vue méthodologique, la méthodologie n'est pas élaborée à l'avance. Elle se construit au fur et à mesure. C'est aussi, il y a des heuristiques méthodologiques aussi, comme en art, d'ailleurs, puisque l'une des grandes difficultés qu'on a en recherche création, c'est la confrontation entre une méthodologie de production artistique qui est heuristique, qui se fait par une rencontre avec la matière et dont l'artiste n'est qu'un acteur parmi beaucoup d'autres. Pourquoi concentrer sur l'artiste, le statut de la matière, les événements extérieurs aussi peuvent avoir un rôle fondamental. Et puis, une méthodologie qui, à cause de la manière dont on demande des budgets aussi, fait qu'on doit la prévoir à l'avance. Et que ce n'est pas complètement adapté à toutes les pratiques artistiques, tout simplement. Ni à toutes les recherches. Ni à toutes les recherches, tout à fait. Il n'y a pas aux recherches innovantes. Est-ce que je peux revenir sur ma question ? Quel est le miroir noir entre Chaton et Chatonsky ? Voilà. Quel est le miroir noir ? C'est parce qu'en fin de compte. Non, moi j'ai. C'est pourquoi les chatons, en fin de compte. Et c'est pas qu'une blague, le chaton. Première chose, parce que il y a. Comme certains d'entre vous le savent, je suis obsédé par Internet depuis longtemps. C'est mon médium de départ. Et que, effectivement, les chats ont gagné sur Internet. Et c'est pas pour des raisons anecdotiques. On peut en rire. Non, ils envahissent Internet, les chats. Ils envahissent Internet. Beaucoup moins les chiens. Mais les chats, énormément. Et il y a des raisons profondes à ça. Et Internet n'est pas une technique, c'est une partie de notre monde. C'est devenu. C'est antique, quoi. C'est une partie de notre monde. Donc de comprendre quelles sont les iconologies qui se sont déployées spécifiques à Internet, ça nous permet de comprendre l'imaginaire du monde que nous avons. Pourquoi les chats ? Pourquoi la rencontre entre un chat et un dauphin, c'est-à-dire le dialogue interespèce, anticipé par Donna Haraway, qui a beaucoup travaillé sur les animaux de compagnie, sur l'interespèce, pourquoi ça trouve un territoire intéressant sur Internet ? Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la question de l'animal familier, c'est un peu comme Jacques Derrida dans L'animal que dont je suis, c'est-à-dire l'étonnement en vivant avec un animal de compagnie qui nous regarde dans les yeux. Quand ils nous regardent dans les yeux, c'est l'expérience dont parle Jacques Derrida, et que c'est un peu cette expérience qu'on a actuellement avec les technologies, me semble-t-il, de plus en plus. Avec les technologies. Donc il y a une ressemblance, alors c'est une analogie bien sûr, mais comme moi j'ai une ressemblance sans identité, je peux utiliser la notion de ressemblance, entre la question de l'animal et la question des technologies. Bien sûr, C'est selon vous la raison profonde. Pourquoi le chat ? Non, pourquoi le chat sur Internet ? Non, selon vous la raison profonde, vous l'avez expliqué. Je peux expliquer, mais ça nous emmènerait vers. Ça m'intéresse. Il y a la question du domiciliaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une analogie, il y a une ressemblance entre l'ordinateur et le chat, en fait. C'est l'animal du domicile. Moi, mon chat est tout le temps sur mon clavier d'ordinateur. Alors oui, alors quand on travaille, les chats viennent tout le temps se frotter. Et cette question du domicile, donc d'un espace où on reste pour aller ailleurs, on a besoin de chats pour pouvoir tenir dans cet espace-là. On en a besoin. Vous êtes sérieux ? Oui, tout à fait. Je suis. Et les deux cactus qui sont toujours voisins de l'ordinateur ? Alors pas toujours. Je pense que c'est un même beaucoup moins développé. Mais qui est toutefois très intéressant et sur lequel je vais travailler prochainement. Après, il y a une dimension affective dans le chat qui n'est pas forcément dans le cactus. Mais en dehors de ça, non, mais justement, par rapport à la question de l'affectif, parce que la question du chat, je pense, est extrêmement liée aussi à la question de l'affectif, même s'il n'y a pas que ça. Et comment tu fais l'articulation, justement, entre l'affectif du chat et l'affectif de la technologie. Alors, pour essayer de vous répondre à cette question complexe, je vais essayer de vous répondre par une anecdote. Il y a, je pense, 2 ans, il y avait un site internet qui s'appelle Allison's Secret, qui est un site internet principalement américain, où c'est un site de rencontres, plutôt pour des hommes fortunés et pas très beaux, et où ils discutaient avec des jeunes femmes très belles. Il se trouve que ce site, il y a 2-3 ans, a été hacké, et qu'ils ont découvert, les hackers, que je crois 90% des profils de femmes étaient des chatbots, c'est-à-dire des logiciels. Et donc moi je pense que sur un site de rencontre, il y a beaucoup d'affectivité, les gens ont du désir, se masturbent, comme, voilà, tout le monde y va avec sa propre libido. Et moi, je pense que ces gens, ces hommes qui étaient sur ce site Alison Secret, savaient et ne savaient pas que c'était des chatbots. Donc c'est cette espèce d'incertitude relationnelle qui, un objet comme un miroir noir, qui nous renvoie une image trouble, incertaine, de nous-mêmes finalement, et de la nature de notre propre désir, ce qui fait que notre désir, il n'est pas seulement médiatisé par la technologie, il y a du désir technique, de fait, ou encore l'histoire, dont je voulais parler, l'histoire de Roman et d'Eugénia. Sur la question du désir technique, c'est évident, Cronenberg l'a beaucoup utilisé, ça aussi, même si c'est pas lié forcément au numérique, mais dans un film comme Crash, par exemple, on est en plein dedans, c'est sûr. Donc il y a une dimension érotique, y compris dans le rapport tactile avec l'ordinateur. Oui, mais pas seulement tactile, quoi. Je pense que ce rapport, c'est ce qui nous permet de comprendre ce type de rapport, c'est, je dirais, une approche, un réalisme relationnel, c'est-à-dire que c'est la relation qui intervient aux choses considérées, et c'est aussi une ressemblance qui n'est pas mimétique. Donc ça offre tous les échanges et toutes les possibilités de déplacement. Après, la ressemblance entre l'affect et la technique, bah, c'est ça, une longue histoire. Deleuze et Guattari ont parlé, Klosowski, bah, bon, il y a une littérature là-dessus pléthorique. J'ai trouvé très clair ton exposé sur cette conception spéculaire de l'imagination technologique. J'ai une question sur l'émergence éventuellement de référentiels ou de normes dans ce jeu de miroir. Est-ce que tu as une réflexion sur cette question? Est-ce que, voilà, il me semble là pour le moment on est un peu dans un gouffre face à une espèce d'abîme. Est-ce que tu vois émerger une forme de référentiel là-dedans de qui puisse fonder le jugement? Alors, plusieurs réponses, mais c'est une question super compliquée. Hein. Je ne peux pas y répondre, là, c'est impossible. Première chose, stylistiquement, et je pense que moi je suis un plasticien, donc la forme, c'est important. Il se trouve que ces images, entre autres, si on prend les images produites par les réseaux récursifs de neurones, ou les Generative Adversarial Networks, peu importe, ces images ont une stylistique très proche les unes des autres qui n'a pas été introduite par les informaticiens et les ingénieurs, qui est une esthétique qui coule, de la fuite, assez proche de l'impressionnisme. Je ne vous ai pas montré l'expérience de Terence Galland avec les lecteurs neurologiques, mais qui est une expérience hallucinante. Mais il y a d'abord, formellement, il y a une unité de toutes ces images. Et quel que soit le lieu géographiquement de la recherche, c'est très impressionnant. Il y a une espèce de retour à William Turner, quoi. Ito Shtriel a écrit un très bel article sur cette question, dans Influx, sur pourquoi les réseaux récursifs de neurones nous ramènent. Elle fait une analyse, une comparaison avec le bateau négrier de Turner et les réseaux récursifs de neurones. Donc, réponse formelle. Deuxième chose, réponse politique, il y a eu un certain nombre d'articles sur les normes racistes, sexistes, qui émergent des réseaux récursifs de neurones. Entre autres, il y a Microsoft qui avait fait un chatbot avec un réseau récursif de neurones. Au bout de 3 heures, le chatbot était suprématiciste, nazi, négationniste, tout, et donc ils l'ont arrêté. Alors, c'est ce qu'on appelle le fameux biais. Et ça nous amène à réfléchir à ce qu'on a fait dans la période précédente du Web 2.0, dans laquelle on n'est plus, je pense. On ne comprenait pas pourquoi on accumulait cette hypermnésie, autant de mémoire, pourquoi on donnait nos vies à ces entreprises. Maintenant, je pense qu'on peut avoir une certaine compréhension de ça, c'est pour nourrir des machines. C'était pour nourrir des machines, pour que les machines aient d'énormes stocks de données. Et c'est ce qu'elles font, effectivement. Donc il y a la question du biais. Et troisième chose, est-ce qu'il y a une norme ou un critère de jugement? Alors peut-être que je distinguerais norme et critère de jugement. Mais ça nous entraînerait vers un critère de jugement transcendantal, etc. Est-ce qu'on fait ça? Ah, t'as pas répondu à mes questions. Je voudrais revenir sur la notion de remplacement, qui est évidemment très centrale, c'est une idée qui est fréquente anthropologiquement dans l'histoire de l'humanité, depuis toujours, avec l'animisme dans les religions, les premières religions. Et effectivement, en passant à travers le post-transhumanisme et ce genre d'utopie technologique, on est constamment avec l'idée de Dieu fait homme, enfin, tout le discours religieux va aussi dans ce sens-là. Et alors j'aimerais bien, si tu peux développer un petit peu cette idée qui me paraît tellement importante. C'est très très important parce que politiquement, ça va devenir, on le sait, ça va devenir central dans les années à venir, ça commence à devenir central. Et je pense que le transhumanisme, on s'en moque et on a raison, mais on n'imagine pas l'impact que ça a sur les décisions d'une importance capitale actuellement, sur lesquelles l'Europe n'a plus aucune prise, me semble-t-il. Alors, l'étonnement, c'est effectivement que la théologie, c'est la technologie. C'est ça. Et prise par Apple. Apple en fait une université. Alors, c'est Google, Singularity University, mais il y a d'autres, effectivement, ils sont tous partie prenante là-dedans. Qu'est-ce qui lie intimement théologie et technologie? C'est un vrai problème. Il y a eu quelques livres dessus. Mehdi Belhaj-Kassem vient d'écrire un très beau livre sur le Dieu, le mal et les technologies, qui est un livre étrange mais très beau. Mais c'est normal. Oui, c'est inévitable. C'est tout à fait normal, et comme avec les créationnistes, on va avoir beaucoup de mal à déconstruire leur discours, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, enfin, me semble-t-il. Ils ont des impacts sur des décisions très, très importantes. Effectivement, cette idée de remplacement, quand on lit le livre de Jared sur l'extinction des différents peuples, en anthropologie, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, cette idée du remplacement, elle est permanente dans l'humanité, le sentiment d'être remplacé, que le remplacement, on va être remplacé par quelque chose, soit comme une relève positive, la résurrection, soit comme un effondrement, une pure disparition, une extinction négative. Et pour moi, ça, c'est, je le lirai à la question de la représentation. C'est-à-dire que c'est le même affect qui nous pousse, nous, en tant qu'artistes, à faire des représentations, même si elles ne sont pas reproductives. C'est-à-dire à redoubler les choses, à faire qu'une deuxième fois arrive. Et je pense que là, et c'est pour ça que l'art, dans la production artistique, par rapport au transhumanisme et à la singularité, a un rôle peut-être. J'aimerais qu'il ait un rôle un peu plus structurant qu'on le croit finalement, parce qu'on a un autre destin du remplacement qui n'est pas théologique. Ouais, si je peux me permettre, moi je confirme en tant qu'artiste ce que vous dites. Moi par exemple, la question du transhumanisme, ça me préoccupe énormément. Vous dites qu'on s'en fout, moi personnellement pas du tout. Et pourquoi on s'en moquerait? Parce que c'est une utopie qui est barbare et qui est de la philosophie américaine, de la pensée américaine de gens qui ne connaissent rien en philosophie. C'est ridicule le transhumanisme, mais c'est passionnant. La question du transhumanisme est intéressante. Oui, mais c'est passionnant à analyser du point de vue, non pas pour y croire, mais du point de vue imaginaire. L'imaginaire du transhumanisme, c'est passionnant. Mais aller acheter des petits cocktails de gènes, de rajeunissement, monsieur Maxmore, si vous voulez à la pause question pour en développer. Alors, moi je serais en accord avec ce que vous avez dit, et c'est ça qui est. C'est le décalage énorme. Donc, je suis d'accord avec l'un et l'autre, parce que vous dites la même chose. Entre, d'un point de vue académique, le caractère absolument très facilement réfutable de la singularité, et d'ailleurs c'est un travail qui a déjà été mené depuis longtemps, mais le fait que c'est un symptôme qui plonge des très profondes racines dans notre culture, qui ramène, qui fait ressusciter quelque chose qui vient brouiller la relation entre irrationalité et rationalité. Et on en voit plein de symptômes aujourd'hui, avec l'obligation dans laquelle nous sommes de repenser la rationalité. Et je sais qu'ici, il y a déjà plusieurs personnes qui travaillent sur ce sujet. Et on vit vraiment à une époque charnière sur cette question de la rationalité. Et d'une rationalité qui ne répond pas au même canon que ce qu'il y avait à voir, puisque maintenant, la rationalité traditionnelle, c'est le transhumanisme, d'une certaine manière. C'est où? C'est la théologie. Merci. Mais oui, c'est préoccupant. Merci. Mais j'aimerais bien goûter le cocktail qui garde le reste. J'ai des pilules de la pharmacie plus chère, je t'en donnerai. Merci. C'est très intéressant, je pense que ça était là, c'est terminé pour aujourd'hui, et puis on revoit demain. Donc alors.